parce qu'on fait le monde 36 fois sans rien que ça change. Parce qu'un cri du cœur peut se transformer en un chant. TECK pour inconscience. Je suis comme les autres, mais seul au monde, me compare pas au sale monde. Ici on percera sans faire une seule fois le monde. Le masque sur le visage, l'espoir sur un visa. On parle des vrais problèmes, pas ceux du destin de Lisa. Je suis comme les autres, mais seul au monde, me compare pas au sale monde. Ici on percera sans faire une seule fois le monde. Le masque sur le visage, l'espoir sur un visa. On parle des vrais problèmes, pas ceux du destin de Lisa. Ça part de gars d'en bas qui parle de gros départs, de gros dégâts. Faut viser juste pour pas s'en mettre partout comme à la bodega. Avenir caché, espoir caché. Ne nous parle pas de racines depuis que la terre est bâchée. L'ambiance est fâchée, tu risquerais de pas nous comprendre. Comme l'orphelin quand on toute expérience est bonne à prendre. Au départ, les chances sont pas les mêmes, donc les réussites non plus. Il faut des pistes non plus, avoir la tête d'un gisement pur. L'égalité n'est plus, et ma joie de vivre fait des ricochets. Jamais trahi, jamais trahi, dans mes amis le tribochère. Si j'analyse ma vie, je le fais avec un esprit cartésien. Car chaque proche qui part, retire à Texar une part des siens. J'ai beau garder la tête haute, des fois le moral est bas. Quand ça va pas, l'éducation que j'ai reçue fait qu'on en parle pas. On sauve les apparences et on se rabat sur ce qu'on peut. Souffrir dans la décence est peut-être bien ce qu'on fait de mieux. Je suis comme les autres, mais seul au monde, me compare pas au sale monde. Ici on percera sans faire une seule fois le monde. Le masque sur le visage, l'espoir sur un visa. On parle des vrais problèmes, pas ceux du destin de Lisa. Je suis comme les autres, mais seul au monde, me compare pas au sale monde. Ici on percera sans faire une seule fois le monde. Le masque sur le visage, l'espoir sur un visa. On parle des vrais problèmes, pas ceux du destin de Lisa. Si j'analyse toute la colère qu'on canalise, je me dis qu'il suffirait de peu pour que la violence se banalise. Mais bababa les pattes, ne fais pas dire ce que je n'ai pas insinué. Anti-violent, pour ça que j'ai pris le mic pour m'exprimer. On tombe de haut, les footballeurs veulent faire la grève. Sans pattes de gagner des titres, à croire que l'argent leur fait gagner des rêves. Plus de respect pour les petits qui les prennent pour des idoles. La seule fois qu'ils me donnent le sourire, c'est quand ils passent au guignol. Avant j'étais là, à faire des tours de terrain. Maintenant les questions me hantent et je me retrouve à faire des tours de terrain. Du mal à donner mon avis, car cette époque est trop pas certaine. Tellement mal au crâne, j'ai l'impression d'avoir un serre-tête. Les démarches sont pas aussi saines qu'il y paraît. On veut de l'or dans les parures plus que du lourd dans l'appareil. On manque de courage donc la critique est facile. Mais pour s'en sortir il faudra plus que le coup de tête de Basile. Je suis comme les autres, mais seul au monde, me compare pas au sale monde. Ici on percera sans faire une seule fois le monde. Le masque sur le visage, l'espoir sur un visa. On parle des vrais problèmes, pas ceux du destin de Lisa. Je suis comme les autres, mais seul au monde, me compare pas au sale monde. Ici on percera sans faire une seule fois le monde. Le masque sur le visage, l'espoir sur un visa. On parle des vrais problèmes, pas ceux du destin de Lisa. Je suis comme les autres, mais seul au monde, me compare pas au sale monde. Ici on percera sans faire une seule fois le monde. Le masque sur le visage, l'espoir sur un visa. On parle des vrais problèmes, pas ceux du destin de Lisa. Je suis comme les autres, mais seul au monde, me compare pas au sale monde. Ici on percera sans faire une seule fois le monde. Le masque sur le visage, l'espoir sur un visa. On parle des vrais problèmes, pas ceux du destin de Lisa.